est considéré comme un excès de vitesse tout dépassement de la vitesse autorisée, que celle-ci soit annoncée avec un panneau ou que ce soit une règle générale que tout conducteur se doit de connaître. Ici, je circule sur une chaussée limitée à 110 km/h, sûrement une autoroute en zone urbaine. Mais les conditions météo rendent la conduite plus difficile et c'est pour cela que les chaussées limitées à 110 km/h par beau temps voient leur vitesse maximale abaissée à 100 km/h par temps de pluie. Contravention possible si je roule à 110 et encore plus si c'est à 130 km/h. Réponse C et D.